PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, vous entendez la radio PKGU, Radio Pokajou International. Je suis Mélissa Suarez El Real. Aujourd'hui, on commence la saison sèche, c'est la fin de mousson. Comme vous le savez déjà, peut-être les gens s'enferment dans cette saison. Et aussi le Maharaja lui-même, en fait, l'un de ses grands plaisirs, c'est de s'enfermer dans son palais, d'écouter de la musique. Et la musique triste, c'est ça qu'il préfère. En fait, peut-être vous avez vu le film The Saddest Music on Earth du réalisateur Guy Maddin. Ça se traduit comme la musique la plus triste du monde. Dans ce film, on fait un concours entre pays pour savoir qui produit la musique la plus triste. Et bon, en fait, l'idée de base de ce film a été prise des habitudes du Maharaja, qui normalement invite des musiciens pour faire un classement des chansons les plus tristes. Chaque année, à la fin de la saison de mousson, Sa Majesté nous montre en direct les chansons les plus tristes et émouvantes qu'il a réussi à trouver pendant la saison. Il faut vous prévenir, il ne s'agit pas forcément de chansons nouvelles parce que Sa Majesté réexamine soigneusement tous les petits disques et enregistrements de l'énorme médiathèque du palais. Alors, il y a des chansons qui datent même des débuts des années 20. En fait, j'ai une petite histoire à vous raconter. À l'université de Pokajou, il y a un groupe d'archéologues sonores qui essaie d'obtenir l'enregistrement le plus ancien à travers les sondes qu'il y a marquées dans les silos creusés dans les sols du palais royal. C'est un peu compliqué, mais ça, c'est l'idée. Peut-être un jour, on aura les enregistrements les plus anciens du monde de Pokajou, et bien sûr on vous le montrera. Pour l'instant, il faudra se contenter avec des enregistrements numériques issus directement de la cabine radiophonique du Palais Royal où Sa Majesté prépare sa sélection pour le peuple pokajoutien. Voici le premier morceau choisi. Thank you. de chine garni Kahet chwa dia pe fukre Yemme tas chagrin Fukre le bichae Je suis Melissa Suarez El Real et pour ceux qui viennent de nous s'entonisser, on est en train de découvrir la sélection des chansons les plus tristes du Maharaja, comme on avait décrit dans l'intervention précédente. Pendant ce jour, à Pocahontas, finalement la pluie commence à s'arrêter après plusieurs mois des monsons. Et c'est pour ça qu'on profite pour vous montrer la sélection annuelle que Sa Majesté a fait pendant ses vacances au palais. Tlaung Essez, le chanteur éthiopien que vous venez d'entendre, était aussi connu comme La Voix dans les années 60 et 70 en Éthiopie. Et on ne se demande pas pourquoi, bien sûr. Il était une vraie célébrité en Éthiopie, ayant été reçu pour l'empereur lui-même. Dans les années 80 et 90, il a beaucoup travaillé pour lutter contre le VIH, ce qui l'a rendu encore plus apprécié dans son pays. Et il est mort, ça fait 4 ans, et bon, j'imagine que Sa Majesté voulait aussi lui rendre un petit hommage d'anniversaire. Mais en fait, Sa Majesté connaît ce morceau depuis plusieurs années. Même s'il parle 10 langues, il n'a jamais voulu apprendre l'amharique, la langue éthiopienne, justement parce qu'il voulait imaginer lui-même les histoires terribles qui se cachaient derrière les chansons de Tlaung Essez et sa voix déchirée. Selon les mots de Sa Majesté, aucune histoire sera capable de faire ce que la voix de Tlaung Essez nous communique. C'est un excellent choix de Sa Majesté, bien sûr. On vient de nous communiquer qu'en fait la chanson suivante est aussi dans une langue que Sa Majesté ne parle pas, le Khmer, la langue de la Cambodge, et ce qu'on va écouter pourrait se traduire comme « ciel froid » de la chanteuse cambodgienne Rose Serey Sauter. Mình tốn ban phải vì thay đổi. Soleil Sorcia avec Ciel Froid. Et on est de retour, je suis Melissa Suarez del Real, vous entendez la radio Pocahontas International. Et on est en train d'écouter le classement des chansons les plus tristes que Sa Majesté a sélectionnées pendant le mousson où, comme chaque année, il s'enferme dans son palais. Selon lui, entendre la musique triste lui rend heureux le reste de l'année. Ce qu'on vient d'écouter s'appelle « Ciel froid » ou « Cold skies », selon la traduction que l'on peut trouver dans le disque « Electric Cambodia », compilé par le groupe américain-cambodgien « Dengue Fever ». On sait très bien que Sa Majesté aime bien ce morceau depuis longtemps. En fait, Sa Majesté est arrivée au pouvoir pendant les années 70, quand la Cambodge produisait les premiers disques de musique métisse. Il est devenu fou pour des artistes comme Rosary Sotea ou Son Sisamoth, qui n'étaient pas du tout connus dehors la Cambodge. Mais que Sa Majesté a réussi à voir en direct à ces années, alors quand il a appris ce qui leur était arrivé, ou en fait quand il s'est rendu compte que personne ne le savait après le régime du Khmer Rouge, il a commencé à associer sa musique, comme la plupart des Cambodgiens, avec le régime Khmer et la tristesse la plus profonde. Ce morceau est quelque chose de très très spécial, d'abord la mélodie très originale, mais aussi par l'utilisation de l'orgue à pompe, et bien sûr la voix qui fait des ornements très très spécial, d'un son ringue presque jamais entendu dans la musique occidentale populaire. Malheureusement, Rosary Sotea n'est plus là. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, mais les plus sûrs, selon quelques témoins, c'est qu'elle a été prise comme prisonnier et elle a été obligée à travailler pour le régime et peut-être à vivre avec un militant qui l'a traité violemment. En fait, c'est une histoire triste, celle de Rosary Sotea, parce que elle avait aussi subi la violence maritale, même avant le régime, avec son ancien mari. On va vous laisser avec Las Simples Cosas, une chanson originale de Mercedes Sosa, la chanteuse du Chili, mais cette fois interprétée par l'espagnol Martirio. Même si le Maharaja parle très bien l'espagnol, cette chanson, on sait bien, continue à lui faire pleurer chaque fois. Et voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère que la pluie vous accompagne pour que vous puissiez bien percevoir la sensibilité du Maharaja et son classement. Je suis Melissa Suarez del Real. Merci de nous avoir accompagnés à Radio Pocahontas International. A la prochaine. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza Radio Pocahontas International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!